De naître dans les temps, on est tous là, on serre les dents, les gencives, et on se demande, ce qu'on fout là, parce que peut-être on voulait pas, on édicte les règles, puis les idées d'ordre bien pensées, et on nous nomme, à point nommé, couleurs enchantées, libre à vous de les essayer, un air, une mélodie au gré de vos sens, il faudra lutter, quant à interroger le pourquoi, le comment, le tout ça. Devenir pantin acéré à l'horizon d'une miasse dorée. Et là nous sommes de bien compter. À 16 ans t'as ton bac qui prouve que tu feras ton droit. Impossible de te rétracter, les autres en ont tellement rêvé. Tu risquerais de décevoir ton bulletin de notes et tes mémoires. Si t'es nul en mathématiques, tu seras caissier à prise unique. Oui mais moi, j'ai envie de fraises. Oui mais moi, j'ai envie de rêves. Couleurs enchantées, libre à vous de les essayer. Un air, une mélodie au gré de vos sens, il faudra lutter. Quant à interroger le pourquoi, le comment, le tout ça. Alors là, on voit pas pourquoi. La vie est faite de règles et de plis. Mes pensées, je vous en prie, par vous-même, vaut la peine d'écrire sa propre vie. Elle est aussi faite de rêves et d'envie de chanter sans mépris. Par vous-même, quand bien même vivre change la vie. Palabalabala. Palabalabala. Palabalabala. Palabalabala. Palabalabala. Palabalabala. Papa. Palabalabala. Licence de droit, le reste de travers, disait Michel Coqueluche d'enfer. Devant ou derrière les barreaux, y'a que l'uniforme qui rend clodo. C'est normal, l'habit fait le moineau. A bac plus 5, tu t'imagines gagner 3 plaques et tu jubiles, costard, cravate en tête à tête. Tu souris si fort que tu pètes, puis on t'annonce en tournant dos un emploi jeune dans un bureau. Du coup, tu te sens une vraie nouille, tu dis que t'en as plein le dos. Mineur, la tête ailleurs. La vie est faite de règles et de plis. Mes pensées, je vous en prie, par vous-même vaut la peine d'écrire sa propre vie. Elle est aussi faite de rêves et d'envie de chanter sans mépris. Par vous-même, quand bien même vivre change la vie. Chaque jour t'appliques les ordres de barbarie. Tu calcules ta rente et le loyer et l'heure d'allumer la télé. Ça me fout les boules, jamais dans l'ordre. Tu croises un jongleur dans un parc et tu as peur pour tes enfants qui ne demandent qu'à s'évader, bricoler, jongler en rêvant. Elle est où la beauté? Palabalabala. Palabalabala.